Oh mon cher, c'est le moisson qu'elle là, hein? Ça c'est pas Pierre mon Dieu. Oh, c'est Guy à aider. Babou, faut apprêter tes semelles, hein? Renfort. À tout à l'heure. Oh, attends là. Au niveau glissé, tu veux goûter. Dégage. Est-ce qu'il va référencer Serge Benoît? Monte un peu légèrement. Un peu encore. C'est bon. Descends légèrement. Légèrement. Ça va. Ndiaye le footballeur. La marraine glisse ma haute le glisse haute le glisse ma haute glisse ma haute le glisse haute le glisse ma haute chango ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. La nouvelle danse avidant, le glissement yobi yobi. Sous les pieds, glissement gauche, glissement gauche, glissement gauche, glissement gauche. Stoppez, stoppez, mais en douceur on glisse un peu patiner. À patiner, mande les patiner, mande les patiner. Le jeu depuis Paris. Nous coupons bien, on tombe exactement bien, dès qu'il vient, on vient, on tape tout, tout, tout. Aïe, patin roulette, tu, tu, tu, tu. Patin roulette, soulevez un, patin roulette, un, voilà. La patin roulette, ça t'aime bien, glissement haut, tout le lobby, fait, glissement haut. Glissement haut, tout le lobby, fait. Mike Papa, Yabi tu vas passer par où? Sur tes garçons, on risque, tu vas voir. Moussa de Londres. Le président de la chanson, tout manger. Ma naissance en arbre Véronique. Maman Philomène, ouais. Les ponches de la victime. Est-ce que les barres françaises vont nous guérir? Glissement, glissement, glissement, glissement, glissement.